بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 29 dans la lecture du livre Umdatul Ahkam avec le sharh de Cheikh Abdullah Al-Bassam qui s'intitule Taysirul Allam. Et on est arrivé dans Kitab As-Salah, chapitre au sujet de la Salat, au hadith 59. Et le Cheikh Al-Bassam, il a mis un sous-chapitre ici qui s'intitule Babu Sunan al-Ratibah wa ta'kidu rak'atay fajr wa rak'atay sunnat al-fajr wa fadliha. Qu'est-ce qui signifie? Donc ça signifie que le cheikh il va parler des sunan qui sont ratiba, qui sont Ratiba, c'est-à-dire les prières qu'on doit faire avant et après certaines prières obligatoires, et en particulier la confirmation des deux rak'a de Fajr que tu fais avant la prière de Fajr, les deux rak'a qui sont surérogatoires avant la prière de Fajr, et le mérite de ces deux rak'a. Donc Cheikh il dit en premier les salawat المكتوبة سنن راتبة سنن راتبة صحت فيها السنة المطهرة حثا وفعلا وتقريرا من الشارع. Donc il dit que les prières obligatoires elles sont reliées à des sunan qui sont établies avant ou après certaines des prières obligatoires, et il y a des hadiths à ce sujet-là dans la sunna, dans la pure sunna, des hadiths qui incitent à les faire et qui confirment ces prières-là. Et il dit وَلَهَا فَوَائِدَ عَظِيمَةَ وَعَوَائِدَ جَسِيمَةَ. Donc il y a des bienfaits énormes à faire ces prières qu'on appelle les rawatib. Al-rawatib. Il dit min ziyadati al-hasanati wa raf'i ad-darajati wa takfir as-sayyi'ati wa tarqi' al-khalal al-fara'id wa jabr naqsiha. Donc parmi les bienfaits de ces prières qui sont surérogatoires et qu'on fait avant et après certaines des prières obligatoires, voici quelques, le cheikh il énumère quelques bienfaits de ces prières. C'est premièrement l'augmentation des hasanat, c'est-à-dire tu vas faire plus de hasanat. Deuxièmement, ça t'élève en degré. Troisièmement, ça expie les péchés. Et quatrièmement, ça corrige certaines des erreurs que quelqu'un a pu faire dans sa prière. Si par exemple quelqu'un dans ses prières il y a des manquements ou il y a des choses qui ne sont pas faites à la perfection, eh bien ça vient rajouter de qu'est-ce qui manque dans ses prières obligatoires et réparer certains défauts dans sa prière. Également, ça vient remplacer ce qui manque, des manques dans la prière obligatoire. Parce qu'il y a des hadiths qui mentionnent que au jour de la résurrection, la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala va juger, c'est la prière de quelqu'un. Et que si la prière elle est bonne, le reste sera bon. Et si la prière n'est pas bonne, le reste ne sera pas bon. Et l'explication, c'est que la personne qui a des erreurs dans ses prières obligatoires, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va regarder ensuite dans ses prières surérogatoires pour corriger, pour remplir les manques. Donc, c'est important donc de faire les prières surérogatoires. Et le cheikh il dit, ولهذا ينبغي الاعتناء بها والمحافظة الشديدة عليها وهذا في الحضر أما في السفر فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئا من هذه الرواتب إلا ركعتي الفجر فكان لا يضعهما لا حضرا ولا سفرا. Donc il dit que c'est très important donc de les faire régulièrement et de façon assidue. Et que ça c'est lorsqu'on est résident, lorsqu'on est chez nous, on n'est pas en voyage. Tandis que lorsqu'on est en voyage, eh bien il dit qu'on n'a pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quoi que ce soit de ses rawatib, excepté la prière de Fajr. Les deux rak'at, excepté les deux rak'at qu'on fait après qu'on fait avant la prière de Fajr, il ne les laissait pas, ni en voyage, ni lorsqu'il était chez lui, Donc, il ne délaissait pas les deux rak'at de Fajr, qu'il soit chez lui ou en voyage. Le cheikh, il mentionne donc maintenant le hadith 59. Qui est rapporté selon Ibn Umar, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعليكم السلام. Donc on va lire l'explication de la traduction de ces hadiths. C'est rapporté selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qui a dit, j'ai prié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam deux rak'at avant le dhuhr et deux rak'at après le dhuhr et deux rak'at après le jumu'ah et deux rak'at après le maghrib et deux rak'at après l'isha. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il dit, et dans une autre narration, le Maghrib, l'Isha, le Fajr, le Jumu'ah, c'était dans sa maison. C'est-à-dire les deux rak'at qu'il faisait. Après les prières de Maghrib et de Isha, et les deux avant le Fajr, et les deux après le Jumu'ah, il dit, ça c'était dans sa maison. Il dit, wa fi lafdhin lil-Bukhari anna ibn Umar. Donc, il y a une autre narration qui est rapportée par l'imam al-Bukhari qui clarifie que Abdullah ibn Umar a dit, Hafsa m'a mentionné ou m'a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait deux rak'a légères hein, après que l'aube s'était levée, et c'était un moment dans lequel je ne rentrais pas chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est hein, à propos de deux rak'a qu'il faisait qui étaient légères après la levée, le lever de l'aube avant la prière de Fajr. D'accord? Donc le sens général de ce hadith, Cheikh il dit المعنى الإجمالي للحديث إذ ففي هذا الحديث بيان للسنن الراتبة للصلوات الخمس وذلك أن لصلاة الظهر أربع ركعات ركعتين قبلها وركعتين بعدها وأن لصلاة الجمعة ركعتين بعدها وأن للمغرب ركعتين بعدها وأن لصلاة العشاء ركعتين بعدها وأن راتبتي صلاة الليل أن راتبتي صلاة الليل المغرب والعشاء وراتبة الفجر والجمعة كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته وكان لابن عمر رضي الله عنهما اتصال ببيت النبي صلى الله عليه وسلم لمكان أخته حفصة من النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدخل عليه وقت عباداته ولكنه يتأدب فلا يدخل بعد الساعات التي لا يدخل في بعض الساعات التي لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها امتثالا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر فكان لا يدخل عليه في صلاة في الساعة التي قبل صلاة الفجر ليرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولكن من حرصه على العلم كان يسأل أخته حفصة عن ذلك فتخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وهما سنة صلاة الصبح. Donc le cheikh il explique que dans ce hadith le sens général c'est que il explique les sunan al-rawatib avant et après les prières obligatoires et que Salat al-Zuhr, il y a quatre rak'ats que tu peux faire qui sont parmi les rawatib. Deux rak'ats avant Salat al-Zuhr et deux rak'ats après Salat al-Zuhr. Et il dit que également pour Salat al-Jumu'ah, il y a deux rak'ats que tu peux faire après. Et il dit Salat al-Maghrib aussi, deux rak'ats que tu peux faire après. Et Salat al-Isha également deux rak'at que tu peux faire après. Et il explique ensuite que pour les yani les deux rak'at que tu fais après l'Isha et après le Maghrib, de même que la ratiba de Salat al-Fajr, il les faisait à la maison, il les priait à la maison comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et il dit également que Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, il avait un lien avec la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah c'est le fils de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Donc c'était quoi le lien qu'il avait avec la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Omar ibn Khattab? C'était quoi le lien qu'il avait avec la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le lien qu'il avait avec la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le lien qu'il avait par rapport à sa sœur Hafsa, hein, radiyallahu anha. Alors, il allait visiter sa sœur Hafsa, et pour la pendant qu'il la visitait, il pouvait observer les adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la maison. Et il dit que il rentrait donc à certains moments et il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam les prières surérogatoires à la maison. Sauf que dans certains moments spécifiques, il n'entrait pas par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était à des moments dans lesquels on ne doit pas rentrer chez quelqu'un. Et ces moments-là sont mentionnés dans le Coran, dans le verset 58, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Ô vous qui avez cru, que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté à trois moments, avant la salat de l'aube, à midi, quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salat de la nuit, trois occasions de vous dévêtir. » Donc c'est pour dire que dans ces moments-là, on n'entre pas chez les gens. Et donc, Abdullah ibn Omar, il était respectueux de ça. Et il n'entrait pas. Donc à ce moment-là, il ne pouvait pas voir la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat à ce moment-là. Mais étant donné qu'il était très motivé par la science et qu'il voulait comprendre et apprendre sa religion bien comme il faut, il demandait à sa sœur Hafsa pour qu'elle lui explique et qu'elle lui mentionne l'exemple des prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors elle lui a mentionné par exemple que avant l'aube, ou bien après le lever de l'aube, il faisait deux rak'ah légères, qui sont les deux rak'ahs qui sont sunnah, la sunnah de subh ou de fajr, parce que c'est les moments où les gens se dévêtissent pour se rafraîchir ou bien pour se laver ou bien pour d'autres raisons. C'est les moments spécifiques dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné ça dans le Coran pour dire que les gens à ces moments-là, ils doivent demander la permission pour pouvoir rentrer. Naam. Ensuite, le cheikh il explique, il dit ma yu'khadhu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut prendre de ce hadith comme point bénéfique? اولا استحباب هذه الرواتب المذكوره والمواظبه عليها. Premièrement, que ces prières surérogatoires sont recommandées, et c'est bien d'être assidu à les faire. Deuxièmement, أن العصر ليس لها راتبة من هذه المؤكدات. Un autre point, c'est que le salat al-asr, elle n'a pas de rawatib. Prière de asr, elle n'a pas de ratiba. Pas de prière confirmée par rapport à ces rawatib. Le point numéro 3, أن رواتب المغرب والعشاء والفجر والجمعة الأفضل أن تكون في البيت. Que c'est préférable de faire les rawatib de maghrib, de isha et de l'aube, al-fajr, ainsi que le jumu'a à la maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne laissez pas vos maisons devenir comme des cimetières, priez dans vos maisons. Parce qu'on ne prie pas dans les cimetières. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne laissez pas vos maisons devenir comme des cimetières, priez dans vos maisons, c'est-à-dire faites les prières surérogatoires dans vos maisons. Donc c'est pas bien que on fasse les rawatib uniquement à la mosquée, faut les faire aussi un peu à la maison. Il dit le point numéro 4, at-tarfif fi rak'atay al-fajr, que il est recommandé d'alléger la prière de les deux rak'at qu'on fait avant la prière de l'aube. Les deux rak'at qu'on fait avant la prière de l'aube, il est recommandé de les faire alléger. Le point numéro 5, ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن للظهر ستا أربعا قبلها وركعتين بعدها. وقد جاء في الترمذي من حديث أم حبيبة مرفوعا أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها. Il dit qu'il a été rapporté dans d'autres hadiths authentiques que Salat al-Zuhr elle a 6 rawatib, 6 rak'at rawatib, c'est-à-dire 4 avant, 4 rak'at avant et 2 rak'at après la prière de Zuhr. Comme c'est également mentionné dans At-Tirmidhi, selon Habiba, marfou'an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a 4 rak'at avant le Zuhr et 2 après. ممكن في روايات كثيرة في هذا. نعم. الشيخ لم يذكر كل الروايات. وأصلا يعني الشيخ عبد الغني المقدسي هو كذلك لم يذكر كل الأحاديث في هذا الموضوع. أي نعم. لم يذكر إلا يعني بعضها. نعم. فذكر il a mentionné dans le livre Cheikh Abdul Aziz Cheikh Abdul Aziz al-Maqdisi Abdul Ghani pardon Abdul Ghani al-Maqdisi l'a mentionné ce hadith 59 et le hadith 60 au sujet de Sunnat al-Fajr en particulier, et il n'a pas mentionné d'autres à ce sujet-là, mais on sait qu'il y a beaucoup de hadiths sur cette question. Et Cheikh Mohamed Bazmoul, il a un très bon livre sur yani as-sunan salawat yani al-masnuna puis tout ça, donc toutes ces différentes salawat qui sont soit recommandées ou qui ont été mentionnées dans la sunna, ou bien les sunan qu'on peut faire surérogatoires qui n'ont pas été spécifiées, et tout ça il les a expliqués dans son livre. Donc c'est un livre très très bénéfique. Et je pense même que ce livre-là, il a été traduit en français également. Donc c'est un livre très bénéfique au sujet des prières surérogatoires. Donc c'est ça. Il y a différentes narrations à propos des prières surérogatoires, et des fois les nombres des prières qui sont mentionnées avant ou après sont différents dans certaines narrations. Comme ici on voit 4 avant le Zohr et 2 après le Zohr. Il dit wa ba'd hadhihi ar-riwayat takunu qabla al-fariidah li tahayyu' an-nafs al-musalli lil-ibadati qabla ad-dukhul fi al-fariidah wa ba'd ar-rawatib takunu ba'daha litujbir ma waqa'a fiha min nuqsan. Donc il explique que certains de ces rawatib, elles sont établies ou prescrites avant les prières obligatoires dans le but de préparer celui qui vient prier à l'adoration, hein, et pour se préparer à l'adoration obligatoire. Et également certaines des rawatib, les prières surérogatoires, sont à faire après la prière obligatoire dans le but de corriger et réparer certaines erreurs ou certains manquements qui se sont produits durant la prière obligatoire. Ensuite, le cheikh il mentionne le hadith numéro 60 selon Aïcha radiyallahu anha. Il dit قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. Donc ce hadith, ça dit, c'est rapporté selon Aïcha radiallahu anha, et elle dit que il n'y a pas une prière surérogatoire au sujet pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'accrochait le plus que les deux rak'at de Fajr, les deux rak'at surérogatoire avant la prière de l'aube. Ça, c'est les rak'at auxquels il donnait le plus d'importance avant la prière de l'aube. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre narration de l'imam Muslim, il mentionne que les deux rak'at que tu fais à l'aube, avant la prière obligatoire sont meilleurs que la dunya, c'est-à-dire le monde entier et tout ce qui est dedans. Donc ça, c'est la valeur de cette prière surérogatoire. Et le cheikh il dit المعنى الإجمالي في هذا الحديث بيان لما لركعتي الفجر من الأهمية والتأكد فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكدهما وعظم شأنهما بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم حيث قالت لم يكن على شيء من النوافل أشد تعهدا ومواظبة منه على ركعتي الفجر وأنه صلى الله عليه وسلم قال إنها خير من الدنيا وما فيها. Donc ça, ce hadith, il nous explique l'importance et à quel point elles sont confirmées, ces deux rak'at de l'aube. Et que Aïcha radiallahu anha a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné leur importance par son action et par sa parole. Déjà par son action, le fait qu'il était très assidu à ces deux rak'at avant l'aube. Et il a dit lui-même, à propos de ces deux rak'at, qu'elles étaient meilleures que la dunya et tout ce qu'il y a dedans. Et parmi les points qu'on peut tirer de ce hadith, il y a quatre points que le cheikh il a mentionné. Le premier, c'est al-istihbab al-mu'akkad fi rak'atay al-fajr fala yanbaghi ihmaluhuma. Donc il dit que il est recommandé donc de faire les deux rak'at de la prière de Fajr, et que ça c'est quelque chose qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a confirmé ça et qu'il ne faut pas les négliger. L'autre point, فضلهما العظيم حيث جعل أو جعل خيرا من الدنيا وما فيها. Le mérite énorme qu'il y a dans ces deux rak'at, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet qu'elles sont meilleures que la vie d'ici-bas et ce qu'il y a dedans. Et le point numéro 3, كون النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهما أكثر من غيرهما. Le point numéro 3, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur donne une importance et il est plus assidu à ces deux prières-là, il donne plus d'importance que les autres parmi les prières surérogatoires. Et le point numéro 4, inna ihmal, inna ihmal man ahmalahuma ala suhulatihima وعظم أجرهما وحث الشارع على عليهما يدل على ضعف دينه وعلى حرمانه من الخير العظيم. Donc le cheikh il dit que le fait que si quelqu'un par exemple il délaisse ces deux rak'at avant la prière de l'aube malgré leur facilité et la grandeur de leur récompense et la force avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a incité et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont incité à les faire, ça indique la faiblesse de la religion de la personne et le fait qu'il est privé d'un grand bien. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera inshallah au prochain cours la suite, et c'est au sujet de babul iqamati, babul adhan wal iqama. Prochain chapitre sur le sujet du adhan et de l'iqama. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.